plus 17, observation, description de la personne. Avoir, plus partie du corps, plus adjectif. Elle a les cheveux blonds. Elle est blonde. Elle a les cheveux roux. Elle est rousse. Elle a la taille mince. Elle est mince. Elle a les jambes longues. Elle est grande. Elle a l'esprit vif. Elle est vive. Notez l'article défini, le, la, l'apostrophe, devant le nom qui représente la partie du corps, cheveux, taille, etc.